Bienvenue pour ce 16e épisode des Cahiers Libertaires. À quelques jours de l'élection européenne, l'abstention semble être le grand vainqueur de ce suffrage. Avant même qu'il y ait lieu, on peut se poser la légitimité de ce suffrage, mais aussi on peut considérer que le refus de mettre un bulletin dans l'urne est un choix relevant de ne pas faire le jeu du système bourgeois et du capitalisme. Donc, pour changer un peu par rapport à notre méthode, je vais vous faire trois citations. Donc, tout d'abord, le communisme est une organisation essentiellement économique, de Karl Marx et de Friedrich Engels dans l'idéologie allemande. Le communisme se distingue de tous les mouvements qui l'ont précédé jusqu'ici, en ce qu'il bouleverse la base de tous les rapports de production et d'échanges antérieurs, et que, pour la première fois, il traite consciemment toutes les conditions naturelles préalables comme des créations des hommes qui nous ont précédés jusqu'ici, qu'il dépouille celles-ci de leur caractère naturel et les soumet à la puissance des individus unis. De ce fait, son organisation est essentiellement économique et elle est la création matérielle des conditions de cette union. Elle fait des conditions existantes, les conditions de l'union. Le développement personnel. L'association générale de tous les membres de la société en vue de l'utilisation collective et rationnelle des forces productives, l'extension de la production dans des proportions telles qu'elles puissent satisfaire les besoins de tous, la liquidation d'un état de choses dans lequel les besoins des uns ne sont satisfaits qu'aux dépens des autres, et la suppression complète des classes et de leur antagonisme, le développement complet des capacités de tous les membres de la société grâce à la suppression de la division du travail telle qu'elle était réalisée jusqu'ici, grâce à l'éducation basée sur le travail, au changement d'activité, à la participation de tous aux jouissances créées par tous, à la fusion entre la campagne et la ville. Telles seront les principales conséquences de la suppression de la propriété privée. Et enfin, pour terminer les citations, donc on a détruire les anciens rapports de production extraits du manifeste du Parti communiste de Karl Marx et de Friedrich Engels. Celui-ci disait: les arrangements, les antagonismes de classe, une fois disparus dans le cours du développement et toute la production concentrée dans les mains des individus associés, le pouvoir public perd son caractère politique. Le pouvoir politique, à proprement parler, est le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre. Si le prolétariat, dans sa lutte contre la bourgeoisie, se constitue forcément en classe, s'il s'érige par une révolution en classe dominante et comme telle détruit violemment les anciens rapports de production. Il détruit en même temps que ces rapports de production la condition d'existence de l'antagonisme des classes. Il détruit les classes en général et par là sa propre domination comme classe. La quête de l'égalité et de la destruction de l'économie passera également par la fin du spécisme. Dans ce cadre, nous avons le plaisir d'interviewer Yaël, membre du Parti animaliste et responsable dans les Yvelines. Elle nous expliquera de façon plus approfondie comment fonctionne le Parti animaliste, ses revendications, mais aussi le positionnement du Parti animaliste sur des questions de société. Pour plus de facilité, nous avons envoyé les questions à travers Messenger, afin qu'elle prépare le mieux l'interview et que l'interview a été faite par téléphone le mercredi à 14h. Le parti animaliste a recueilli plus d'un pour cent du suffrage exprimé lors des dernières élections législatives. De par la forme du scrutin qui se base sur un scrutin uninominal à deux tours au sein des circonscriptions, fort de ce score, le parti animaliste s'est lancé dans la course aux élections européennes qui auront lieu le 26 mai, soit dans quelques jours, et ce, près de 2 ans après la prise du pouvoir par Emmanuel Macron. Comment résumer la politique actuelle vis-à-vis des animaux ? La politique gouvernementale actuelle est très difficile au regard des animaux, puisque, mais c'est depuis, peut-être pas que depuis Emmanuel Macron, ça a toujours été une politique de lobby en France. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Le gouvernement français est très soumis au lobby de la chasse et de l'élevage, notamment. Et on peut dire qu'il est assez sourd à l'opinion publique, que celle-ci s'exprime régulièrement dans des sondages fiables. Et le constat est que cette opinion publique n'est pas prise en compte. Voilà ce que je peux dire par rapport à la politique gouvernementale française. Par contre, en ce qui concerne le droit européen, le peu d'avancées qu'on a pu observer sur le droit animal ces dernières années sont en provenance de l'Europe, d'où l'importance de ces élections européennes pour les animaux. Et du coup, sur quel bord politique se situe le parti animaliste ? Le parti animaliste ne se situe pas de manière classique au sein de l'échiquier politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui appliquer les critères des clivages droite-gauche. C'est un parti transpartisan, en quelque sorte, parce qu'il a sa propre localisation qui est uniquement centrée, c'est un parti monothématique qui est uniquement centré sur la protection et le respect des animaux, soit sauvages ou domestiques. Donc on ne peut pas lui appliquer, si vous voulez, les critères habituels qu'on applique aux partis politiques traditionnels. C'est un parti très original dans ce sens-là, très novateur. Et du coup, on pourrait dire... centré sur l'intérêt personnel de l'électeur. Et du coup, on pourrait peut-être dire que c'est un parti progressiste, dans le sens qu'il fait évoluer vers le sens du progrès les droits des animaux. Mais complètement, c'est une société idéale que celle dans laquelle les animaux seraient respectés comme des êtres vivants au même titre que le sont les humains. C'est tant est que les humains soient respectés, mais si on peut dresser une échelle du respect, on peut quand même voir que les animaux sont au bas de l'échelle. Mmh. Bien sûr que c'est un parti qui amène vers un progrès éthique, un progrès sociétal, qui est certainement le plus grand progrès que pourrait faire l'humanité. D'accord. Et comment vous comptez arriver à dépasser la barre des 5%? Nous avons mené une campagne active, très dense, très énergique. Nous avons mis énormément d'énergie, de savoir-faire et aussi de financement. En ce qui concerne la campagne, je trouve qu'elle a été magnifique. Elle n'est pas encore terminée, il reste 3 jours, mais d'ores et déjà, pour l'avoir vécu de l'intérieur en Ile-de-France et plus spécifiquement dans les Yvelines, en ce qui me concerne, je peux dire que oui, on a eu énormément de travail et on a mené une belle campagne. Maintenant, compte tenu de l'abstentionnisme dans ces élections européennes, qui sont quand même des élections très boudées, par les Français, peut-être les élections les plus qui indiffèrent le plus, peut-être parce que l'Europe est encore un objet obscur pour beaucoup de gens, compte tenu de cet abstentionnisme, évidemment, la barre des 5% paraît très élevée. Et du coup... Pour un jeune parti qui a à peine 2 ans et demi d'existence. Et vous pensez vraiment que vous allez atteindre la barre des 5% ou c'est une étape vers une prochaine élection? Intéressant pour nous, ce serait que nous, c'est pas pour nous. Ce qui est important, c'est de montrer que la cause animale a pris un poids dans la société française. Donc, nous, on a donné le maximum de ce qu'on pouvait faire. L'opinion publique est, en ce qui concerne les sondages, quand même très favorable. Maintenant, vous le savez, les électeurs sont très centrés aussi sur leurs intérêts personnels, comme je disais tout à l'heure. Voter pour le parti animaliste, c'est voter altruiste, c'est voter pour le respect et la protection d'êtres vivants qui ne peuvent pas s'exprimer, donc ne sont pas électeurs, n'ont pas de droits, ne nous rapportent pas à nous personnellement d'argent, ne vont pas diminuer nos impôts, ne vont pas augmenter nos retraites. Donc c'est vrai que le plus important aujourd'hui, c'est de montrer que cette cause augmente dans les sondages, augmente dans les votes. 5%, c'est une barre élevée. Si on obtient 3%, ce sera déjà très bien parce que ça nous permettra d'être remboursé des dépenses de campagne. D'accord. Nous verrons bien. On n'a que 2 ans et demi d'existence, donc j'estime que c'est encore une très belle prouesse. Nous ne faisons des pas de géants. C'est ça qui... Nous sommes un parti jeune qui fait des pas de géants. D'accord. Et du coup, parmi vos soutiens, j'ai regardé un peu qui soutenait le parti animaliste comme personnalité. Et c'est vrai qu'il y a la figure de Brigitte Bardot qui revient. Et le problème, c'est que c'est une figure vachement controversée sur le plan politique, hein, pas sur ce qu'elle fait pour les animaux. Et que, par exemple, elle est allée demander la nationalité russe près de Vladimir Poutine. Et bon, je vais pas donner des exemples sur ce qui se passe sur le plan démocratique en Russie, mais c'est très critique. Et que, est-ce que vous pensez que des personnalités dans ce genre-là, au final, peut nuire au parti animaliste et rejeter une partie de la population qui se dit progressiste? Parce qu'ils vont voir qu'il y a Brigitte Bardot qui soutiennent. Ils vont se dire, mais comment on peut soutenir un tel parti avec quelqu'un qui a été condamné à multiples reprises pour incitation à la haine raciale? Alors, comme vous le disiez bien tout à l'heure, elle est contestée par certaines personnes au niveau de ses opinions politiques. Au parti animaliste, nous avons de très nombreux soutiens. Elle n'est qu'un soutien parmi les autres. Nous sommes d'ailleurs très heureux qu'elle soutienne le parti animaliste plutôt que de soutenir le Rassemblement national. En ce qui concerne son œuvre pour les animaux, elle n'est pas contestée. C'est une œuvre extraordinaire, énorme. Elle a donné 50 ans de sa vie aux animaux, elle a donné toute sa fortune, elle leur a donné aussi son image, elle a arrêté le cinéma pour se consacrer aux animaux. On ne peut pas oublier cela, on ne peut pas le masquer, on ne peut pas, vous voyez, jeter le voile sur tout ce qu'elle a fait de beau pour les animaux, en mélangeant tout, en mélangeant aussi ses opinions politiques, quelles qu'elles soient, qui ont changé, encore une fois, puisque en soutenant le parti animaliste, elle s'est désolidarisée du Rassemblement national. Donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Ceci dit, pour anecdote, elle a quand même soutenu la France insoumise en 2017. Oui, je sais qu'elle a voté pour Mélenchon lors des dernières élections. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, parce que là on se positionne sur aujourd'hui, on ne va pas faire le procès de Brigitte Bardot, on est d'accord? Non, c'est pas l'objectif. Voilà. Donc, parce qu'on se positionne à la date d'aujourd'hui, elle soutient le parti animaliste, elle votera pour le parti animaliste, elle engage toutes les personnes qui aiment les animaux à voter pour le parti animaliste, et moi c'est ça que je vois. Alors, ensuite j'ai constaté sur les réseaux sociaux qu'il y a plusieurs personnes du parti animaliste, donc c'est pas une généralité. C'est qui critique des associations antispécistes comme 269 Life France ou encore Boucherie Abolition. Et pour anecdote, hier, il y a eu 12 membres du collectif de Boucherie Abolition qui ont fait de la garde à vue. Et est-ce que vous considérez en soi que ces associations sont au gauchisme ce qu'est à la gauche, c'est-à-dire qu'elles sont contre-productives et que, elles ont tendance à faire passer des lois contradictoires par rapport à ce qu'on voudrait faire, comme ça a été le cas avec de la loi anti-casseurs? Le paternalisme ne soutient pas la violence. Nous sommes contre la violence. Nous sommes contre la violence infligée aux animaux et donc contre la violence infligée aux humains. L'usage de la violence n'est pas un moyen que nous privilégions. Ceci dit, en l'occurrence, et là je parle en mon nom personnel, cette violence de ces mouvements comme Boucherie Abolition, ou L269 Life, que on peut qualifier, oui, de violence en effet, parfois, c'est la violence du désespoir, c'est celle de la révolte. Aucune révolte ne se fait dans la sérénité, la paix. Pourquoi être révolté? C'est le gouvernement qui est fautif de qu'il faut pointer du doigt lorsqu'on parle de cette révolte. Ce n'est pas ces gens qui n'en peuvent plus, qui ne peuvent plus supporter ce que subissent les animaux, qui se sentent tellement impuissants qu'ils en viennent à des actes, en effet, qui peuvent être qualifiés de violents. Moi, je pense que c'est le gouvernement qui est fautif, parce qu'il accule les citoyens à cette solution extrême. Quand on sait que, ben, on disait tout à l'heure, l'opinion publique n'est pas écoutée, j'ai les sondages sous les yeux, on va en parler. 83% des Français sont contre l'élevage intensif. Vous vous rendez compte? 83% des Français. Où avez-vous vu passer une loi qui incite les agriculteurs à se tourner vers des méthodes plus respectueuses envers les animaux que l'élevage intensif? Où avez-vous vu une loi qui interdise la castration à vide des porcelets ou la mise bas des truies dans des stalles ou l'électronarcose des. Ça, on parle des abattoirs, mais l'électronarcose, les abattoirs intensifs, on va dire, l'électronarcose des poulets. Est-ce que vous pouvez Vous avez vu où? m'expliquer ce que c'est que l'électronarcose? Là, je C'est ne de connais pas. plonger l'animal dans un bain électrifié. D'accord. Vous vous rendez compte? Quelle méthode? Où avons-nous vu passer ces lois? Nulle part. Quand on sait que 86% des Français sont pour l'arrêt de l'expérimentation animale, avons-nous vu passer une loi qui incite les hôpitaux, les laboratoires, les centres de recherche, les écoles vétérinaires ou les écoles médicales, les universités de médecine, à utiliser des solutions alternatives? Ou avons-nous vu des lois qui demandent aux industriels de ne plus utiliser l'expérimentation animale pour tester des produits déjà testés depuis longtemps ou sur lesquels l'animal ne fait aucune preuve scientifique? Nous n'avons pas vu passer ces lois. 75% des Français sont pour l'arrêt de la chasse à courre. La chasse à courre présidentielle vient d'être réhabilitée. Les chasseurs viennent d'obtenir des cadeaux énormes de la part du gouvernement, que ce soit par la division par deux du prix du permis de chasse ou par la dernière loi sur la création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, laquelle quand même sacralise les méthodes cruelles de chasse dites traditionnelles et les fait entrer au patrimoine français, patrimoine culturel français, vous vous rendez compte? Donc, où sont ces 75% de gens qui demandent l'arrêt de la chasse à courre? Ben, ils sont nulle part. 73% sont contre les corridas. On voit fleurir de nouveau des écoles de corridas. Le gouvernement ne fait rien pour empêcher cela, il les subventionne. 67% des Français sont contre la présence d'animaux sauvages, d'animaux tout court, dans les cirques. Où avons-nous vu passer une loi qui interdisent sur le territoire français la présence d'animaux dans les cirques. La France est très en retard par rapport à Ceci dit, sur les animaux dans les cirques, il y a plus en plus de villes qui ont tendance à Oui, interdire alors les voilà, cirques avec des c'est animaux. ça. Alors ce sont des initiatives locales et très admirables de maires qui décident d'interdire sur leur territoire les cirques avec animaux. Mais ce qui est terrible, c'est que les cirques s'installent de manière sauvage. Ils font leur spectacle. C'est très difficile de les déloger parce qu'il n'y a pas de loi. Ce sont des décisions locales, mais il n'y a pas de loi. Donc, pour qu'un préfet vienne, intervienne, on a des exemples dans le passé, hein, de cirques qui se sont installés sur des territoires de communes qui pourtant avaient demandé à ce qu'ils ne s'installent pas. Ils ont fait leur spectacle, ils sont partis après. Et la mairie, entre guillemets, a été mise en échec. Donc, vous voyez que là, on n'est quand même pas dans une situation où on peut dire que le problème est réglé, hein. Donc voilà, donc pour en revenir à la violence, pour moi, c'est une violence du désespoir et de la révolte et qui ne peut pas être condamnée sans condamner de concert le gouvernement. Et sous revendication de la majorité des Français qui ont été interrogés, on le voit là sur ces sondages. Ce sont des sondages IFOP, donc des sondages fiables. D'accord. Et du coup, j'avais une autre question un peu plus ardue. C'était sur la question du libre-échange et des accords bilatéraux. Parce que, comme vous le savez, l'Union européenne est en train de signer des accords de libre-échange à tout va, notamment avec le Canada. Il y en aura un avec le Royaume-Uni. Il y en a un qui est en train de se faire avec le Japon. Et en ce moment, il y en a un qui est en train d'être discuté avec Singapour. Et le problème, c'est que ces traités de libre-échange ou ces accords bilatéraux, ils ont tendance à mettre des tribunaux d'arbitrage privés. Et le problème, c'est que ces accords, ils vont vers la moins, vers les, vers des normes beaucoup plus basses. Et dans le cadre du droit des animaux, on s'oriente vers des droits qui vont forcément baisser parce qu'on va prendre la norme la plus faible pour la mettre comme norme standard. Et du coup, quel était l'avis du parti animaliste sur cette question? C'est-à-dire, par rapport à ces accords de libre-échange, quelle situation, à quelle situation pensez-vous en ce qui concerne les animaux? Par exemple, de l'importation d'animaux. Par exemple, je vous donne un accord, mais sur le taffetas, il était possible de faire importer dans l'Union européenne des bœufs aux hormones, par exemple, ou du poulet javellisé. Déjà abattus ou vivants? Je parle pour les deux, de manière globale. Ça, c'est une question qui est plus alimentaire sur la. Parce que le poulet, j'ai pas entendu parler de poulet javellisé, mais là, je vois pas très bien. Quelle est la différence avec aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui aussi, on importe des animaux qui viennent de l'étranger. Quel serait l'impact particulier de ces accords de libre-échange dont vous parlez? Bah là, En quoi là, ce serait une situation plus grave que ce qui existe déjà aujourd'hui? bah, par exemple, quand on prend le cas des États-Unis d'Amérique, avec on va dire le modèle libéral par excellence, nous avons des méga fermes, un peu comme ce qu'on a au niveau de la ferme des 1000 vaches ou au niveau de la ferme des 10 000 cochons. Sauf que pour eux, c'est une norme standard, alors que pour en France, par exemple, c'est vraiment exceptionnel, quoi. On est à deux cas et que ça, l'impact, c'est que ça risque de pousser les éleveurs à être plus compétitifs vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, par exemple, et à transformer leurs fermes dans des méga-fermes. Alors, la plupart du temps, ces animaux qui viennent de, qui, sont plutôt des animaux déjà abattus, de la viande dont vous parlez. C'est la viande importée de ces pays-là. Les animaux ne viennent pas vivants de ces pays-là. Donc là, on n'est déjà pas dans le programme du parti et nous, on ne s'occupe pas de la viande. Mais là, c'est pas des animaux. On ne parle pas d'animaux vivants. Après, si vous me parlez d'animaux vivants qui seraient importés, par exemple, de Singapour, ce serait quoi? Des animaux plutôt exotiques dans ces cas-là? Parce que on ne fait pas venir des animaux vivants comme ça. C'est pas une situation très courante en provenance de pays aussi lointains comme Singapour. On parle bien d'animaux vivants, hein, donc pas de viande. Là, je pense que ça s'applique plutôt à des espèces exotiques. Donc là, ça relève du commerce d'espèces exotiques qui est réglé par le droit international. Ok. Parce que là, on est on est dans un champ international, là, du coup. Après, le parfait animalisme ne se positionne pas sur un modèle économique particulier. Ce à quoi il veille, c'est que quel que soit le modèle économique choisi, les animaux soient protégés et respectés. Alors là, on observe quand même qu'il y a toujours l'économie devance toujours le droit. C'est-à-dire que les entreprises, le système économique, va toujours plus loin et plus vite que la réglementation. La réglementation, généralement, elle est rectifiée, elle est améliorée, elle est créée en fonction des avancées économiques. Donc, effectivement, si on observe demain de nouvelles questions, de nouveaux problèmes qui pouvaient provenir de ces accords de libre-échange qui viennent d'être conclus, le droit aura à se mettre au diapason. C'est généralement postérieur. On arrive toujours postérieurement à l'économie et rarement en amont, malheureusement. Et du coup, concernant l'actualité, vous avez remarqué que l'association L214, elle a félicité l'entreprise ENAF et que ça a soulevé beaucoup de débats chez les personnes qui se revendiquent de la cause animale, entre ceux qui condamnent le fait que finalement l'entreprise, elle abat toujours des cochons. Et il y a d'autres qui disent finalement c'est un poids positif vers le bien-être animal. C'est l'opposition entre le welfarisme et le côté abolitionniste. En fait, on n'a pas de baguette magique. Si on avait une baguette magique, on irait directement à notre but, c'est-à-dire la fin des abattoirs, la fermeture des abattoirs, la fin de la consommation de produits d'origine animale. Mais on n'a pas de baguette magique. Donc, il faut passer par des étapes intermédiaires, on va dire. Et C'est le genre d'étape intermédiaire que vient de franchir L214, mais ce n'est pas qui vont s'arrêter là, ils vont déposer les armes, ils vont s'estimer heureux de cet engagement de cette entreprise qui est quand même un engagement d'ici 2030, hein, donc on est encore loin. Non, L214, bien sûr, c'est une association très intègre, donc ce n'est pas leur objectif final. C'est une étape intermédiaire et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et on ne peut que la saluer parce que malheureusement, comme je disais, on n'a pas de baguette magique, on ne peut pas changer le monde d'un seul coup, comme ça, en claquant des doigts. Ça ne peut se faire que progressivement. Après, bien sûr, est-ce que parce qu'un animal ne souffre plus ou ne souffre plus ou ne souffre pas, qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien, forcément? Non. Parce que la captivité est la première des maltraitances. Un animal en captivité souffre, même si son système neurologique n'est pas mis en, en, en, en. Si vous voulez, il n'y a pas de douleur au sens neurologique du terme. Mais la captivité, c'est une douleur psychique. C'est une douleur même parce que l'animal n'est pas placé dans ses conditions physiques. n'est pas placée dans une situation qui satisfait ses besoins physiologiques. Donc c'est une souffrance. Après, est-ce qu'on peut dire qu'il souffre dans le sens traditionnel du mot, dans le sens classique du mot? Non, on ne peut pas dire qu'il souffre. Est-ce que pour autant il est bien? Non, il n'est pas bien. Donc la logique welfariste, oui, elle a des limites. De même, on dit on va tuer les animaux dans les abattoirs en les insensibilisant au préalable. Oui, mais l'insensibilisation elle-même, elle est douloureuse. Quand on vous perfore le crâne avec une tige, c'est une insensibilisation après, oui, mais au moment où vous perfore le crâne, vous souffrez. Donc la logique welfariste, elle a des limites, bien entendu. Maintenant, j'en reviens toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas changer les mentalités et le monde d'un coup. Donc, ce qui est obtenu là par L214 avec l'entreprise INAF, c'est une petite avancée, mais c'est une avancée quand même, qui nous permettra de monter un peu plus, un peu plus haut dans le chemin qu'on s'est fixé, et d'aboutir à un moment donné à ce que les animaux ne soient plus tués. Bien sûr. C'est ce que veut L214 aussi. Ok. Et du coup, sur la question de la fermeture des abattoirs, j'avais vraiment une question technique, parce que c'est vrai que moi, je me suis posé la question plusieurs fois. Quel est votre business plan pour finalement arriver à ce que dans les décennies à venir, il n'y ait plus du tout de viande, ni de poisson, ni de lait, et tous les sous-produits d'animaux? On n'arrivera pas dans les décennies à venir, les prochaines décennies, à ce qu'il n'y ait plus du tout de consommation d'animaux. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que le jour où je mourrai, il y aura encore des gens qui mangeront des animaux. Et si on partait par hypothèse, demain, le parti animaliste, il devient un parti majoritaire, qu'est-ce que vous feriez pour endiguer l'ensemble des abattoirs, l'ensemble des boucheries, des poissonneries et de l'industrie du lait, des fromages, des yaourts, des œufs? Eh bien, on financerait la reconversion des éleveurs. Et vous avez un chiffre à estimer à peu près combien ça coûterait? Non. Non, c'est pas de chiffre. Mais à l'heure actuelle, l'élevage traditionnel est subventionné par nos impôts. D'accord. Par la politique agricole commune. Et donc, ce serait très simple. Je pense que quand on était au pouvoir, on était majoritaire, tout cet argent-là serait redirigé vers un autre programme qui consisterait à financer la reconversion des éleveurs et des pêcheurs, des industries de pêche. Afin de financer des protéines, la production de protéines végétales. Maintenant, on n'est pas au pouvoir. de toute façon, un jour, il y aura une réduction significative de la consommation de produits d'origine animale. Et pas forcément que ce sera le jour où le parti animaliste sera au pouvoir, c'est tout simplement que ce sera la loi de la nature qui sera au pouvoir. Parce que nous avons aujourd'hui une planète qui ne peut plus fonctionner comme l'ont fait fonctionner nos ancêtres. Il va falloir changer. On a vu les dégâts que causait l'élevage, 14,5% des gaz à effet de serre, pollution massive des sols et des nappes phréatiques, déforestation massive. Tout ceci entraînant évidemment la déforestation et la pollution et les gaz à effet de serre, des changements climatiques et la disparition massive d'espèces, puisqu'on est aujourd'hui entré dans la sixième extinction massive des espèces, hein. Rien que sur les territoires français, il y a 14% des mammifères qui sont menacés de disparition à très court terme. Et d'ici 2050, la Terre entière aura perdu 50% de sa biodiversité. Donc, de toute façon, quoi que les gens veuillent penser, la loi de la nature, à un moment donné, va s'imposer. On sera obligé de changer de modèle. On sera obligé de réduire la consommation de produits d'origine animale. On sera obligé de réduire l'élevage, on sera obligé de réduire la pêche. Ce ne sera pas un choix, vous voyez ? D'accord. Donc je pense que ça, c'est le business plan. Maintenant, en attendant, la manière la plus efficace, c'est de parvenir à, on va dire, à une progression, c'est d'éveiller les consciences. Éveiller les consciences, éduquer la jeunesse, les jeunes enfants comme les adolescents, à concevoir un monde différent, un monde où il va falloir suivre une voie complètement contraste avec celle de leurs parents. Je pense que la jeunesse est prête. Moi, j'ai beaucoup tracté auprès des jeunes universitaires et j'ai noté une ouverture d'esprit fabuleuse. Ça m'a fait beaucoup de bien. Les jeunes sont vraiment prêts à changer. C'est ça l'avenir, c'est ce changement-là. C'est pourquoi l'éducation est très importante et l'éveil des consciences est important. Et c'est pour en revenir à L214, c'est ce qu'ils ont fait avec les vidéos filmées dans les abattoirs par les lanceurs d'alerte. C'était ça qu'il fallait faire. C'était ces vidéos-là. Et ça a évolué beaucoup à partir de ces vidéos-là. Le parti animaliste porte cet éveil au stade politique. C'est différent. On est là dans la dimension politique. C'est une dimension qui est incontournable. On a vu, hein, de toute façon, que il n'y avait que par la voie politique que les lois pouvaient changer, que les décisions gouvernementales pouvaient changer. Le tissu associatif, quel qu'il soit, ne peut pas accéder à ces changements-là. Même l'opinion publique n'y arrive pas. Donc, il faut passer par le stade politique. Donc, c'est ça aussi le business plan. Et du coup, sur la sixième extinction des espèces, j'avais juste une remarque à faire. Il y en a quand même eu 5 dans l'histoire de la vie sur notre planète. Et est-ce que la sixième extinction des espèces, finalement, aurait deux paramètres? Il y aurait il y a un côté naturel du fait que les espèces, elles naissent et elles disparaissent, ça fait partie du cycle de la vie. Mais est-ce que l'être humain, finalement, il rend l'extinction des espèces plus rapide, plus dynamique, et finalement, il renforce l'extinction des espèces? Là, au niveau des études scientifiques, je ne suis pas scientifique, mais les études que j'ai lues, en tout cas, sont formelles sur le fait que cette sixième extinction massive provient de l'intervention néfaste de l'homme sur son environnement. Donc, oui, il y a eu des extinctions dans le passé, mais celle-ci est très différente des autres par sa rapidité et son étendue. Et on ne peut pas nier que l'énorme pollution que l'on cause ne peut pas rester... Les choses que l'on cause, les choses néfastes dont on est à l'origine, ont forcément un impact. Alors, quel est l'impact, quelle est la proportion entre une extinction naturelle et une extinction du fait de l'homme? On ne peut jamais déterminer avec exactitude la proportion respective. Mais quoi qu'il en soit, on n'a jamais observé une extinction de cette ampleur et de cette rapidité. Donc, il y a fort à parier quand même que l'humain soit relié, évidemment. D'accord. En tout cas, pour l'instant, les scientifiques pensent qu'elle peut être réversible, mais que si on attend, elle sera irréversible. Là, je pense que c'est grave, on ne peut plus... C'est en cela que je suis très remontée contre la politique française traditionnelle, c'est que faire appel, si vous voulez, prendre des décisions sur la pression des lobbies, aujourd'hui, pour moi, c'est de la pure folie. C'est inconcevable, c'est inconscient, c'est irresponsable. Dans cela, pour voter, par exemple, protéger des êtres vivants, que sont les animaux, voter pour ces êtres vivants-là, c'est un vote as-tu tranché avec la politique française? Enfin, on s'occupera d'autre chose que de notre petit intérêt personnel s'il est temps. Oui, je vous écoute. Allô? Oui. Oui. Donc, d'accord. Et du coup, j'avais une avant-dernière question. C'était comment vous regardez la question des tortures au niveau des différences entre, par exemple, entre une personne qui torture un chat, un chien. Il ira certainement en prison, alors que quelqu'un qui torture un veau, un bœuf, un cochon, il aura que la peine avec du sursis, et encore s'il est une peine. Ben ça provient de la distinction qui est faite par le droit entre les animaux de ferme, qui relèvent du code rural et de la pêche, et les animaux de compagnie, qui sont beaucoup plus protégés. Et la distinction aussi entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Les animaux sauvages n'ont aucun droit. Ils ne sont même pas sensibles. Vous savez que depuis 2015, les animaux domestiques se sont vus reconnaître la qualification d'être sensibles. Les animaux sauvages, eux, ne seraient pas sensibles. C'est-à-dire que vous prenez une souris, vous la mettez dans les mains d'un enfant, elle est sensible. Vous la mettez dans la nature, elle n'est pas sensible. Elle perd sa sensibilité. Donc en fait, l'homme, il a créé des catégories en fonction de l'intérêt affectif de l'animal, la proximité par rapport à lui, au niveau affectif. Donc un animal domestique, il a une forte proximité affective avec l'homme, donc il est plus protégé. Il a créé aussi des distinctions en fonction de l'intérêt alimentaire ou financier. Donc là, on est dans l'exploitation. L'animal, du coup, est une ressource. Ce n'est plus un être, c'est une ressource. Quant à l'animal sauvage, c'est aussi une ressource. Une ressource qu'on exploite. Donc ça, ce sont des catégories, si vous voulez, qui sont complètement artificielles, hein. La nature ne fait pas ces catégories-là. Une souris, c'est une souris. Un chien, c'est un chien. Ça n'a pas de sens d'un point de vue universel, d'un point de vue biologique. Ces catégories-là sont des catégories montées de toutes pièces. Donc oui, ben, ces catégories expliquent la différence de protection. La loi reprend ces catégories à son compte. Et elle fixe des sanctions différentes selon que l'animal est une ressource ou qu'il a un intérêt affectif pour l'homme. Voilà, c'est tout simple en fait. C'est encore une fois l'humain qui a imposé son schéma personnel à la nature. Ok. Et du coup, pour la dernière question. Évidemment, le droit, pour en venir aux parties animalistes. Parce que l'animaliste ne fait aucune distinction entre un animal sauvage, un animal de compagnie, un animal de ferme. Ce sont tous des animaux, ils ont tous les mêmes droits. On ne fait pas de spécisme à l'intérieur du règne animal. D'accord. Et du coup, une question plus ou moins personnelle. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de la lutte pour le droit des animaux? Depuis toute petite, j'ai été très choquée de la façon dont les animaux étaient traités. J'ai eu très vite horreur d'avoir un cadavre dans mon assiette. J'ai toujours fui les boucheries à l'odeur, pour moi, mortuaire. Pour moi, ça a toujours été insupportable. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que c'est venu quand j'étais vraiment petite. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose qui l'a... Est-ce que quelque chose l'a provoqué? C'est que mes soeurs sont également très sensibles à tout ça. Est-ce qu'on a été influencé par une éducation particulière par nos parents? Mes parents, je trouve, c'est vrai aussi, choqués, mais par contre, bon, bah, on avait de la viande sur la table, hein, même si moi, c'est pas mon plat. Mais on en avait, donc d'où ça vient, c'est très mystérieux, vous savez, tout ça, c'est. Après, pourquoi je me suis engagée, pourquoi j'ai arrêté complètement de manger des animaux, c'est à la suite du visionnage d'un reportage à la télé. Il y a de ça 16 ans. Vous voyez, ça fait quand même un moment. Non, attendez. Non. Ça fait 16 ans que je suis avec mon compagnon. Mais ce reportage-là, ça fait 25 ans. Ah oui. Ça commence à faire un sacré bail. Hein. Ça fait 25 ans, oui. J'étais à la fac. J'avais mon appart. Que je payais difficilement avec mes petits revenus d'Ather, on a fait comme ça. Et un soir, alors que j'étais seule chez moi, j'ai allumé la télé et le présentateur a dit « On passe un reportage sur les conditions d'abattage des animaux. Les personnes sensibles ne doivent pas regarder ce reportage. » Normalement, j'aurais pas dû regarder ce reportage parce que je sais que je suis sensible. Donc, si j'avais écouté l'animateur, j'aurais éteint le poste de télé. Simplement, comme j'aime pas me voiler la face et j'aime bien savoir vraiment les choses, j'aime la vérité, j'aime pas vivre dans une douce illusion, dans une bulle de coton, j'ai regardé. Et pour moi, ça a été le basculement. Donc il y a 25 ans, ma vie a basculé parce que je me suis dit. Si je continue à manger des animaux, je collabore avec ce système. J'ai pas le choix. Soit j'arrête, je résiste en arrêtant de consommer les animaux, en arrêtant d'acheter des animaux morts. Soit je collabore. Il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas avoir de la viande heureuse dans son assiette. Je suis bien d'accord. Voilà, donc pour moi, ça a été un moment très violent et qui a été déterminant pour le reste de ma vie. Après, voilà, je parlais d'il y a 16 ans. Il y a 16 ans, j'ai rencontré mon compagnon et j'ai réussi tout doucement à lui faire arrêter de consommer des animaux. Et du coup, quand vous avez regardé ce reportage, vous êtes devenu végétarien directement ou vous êtes devenu végétalien? Non, végétarienne. D'accord. J'ai continué à manger des produits laitiers, notamment. J'ai arrêté les produits laitiers il y a 3 ans. D'accord. En regardant de nouveau un reportage sur comment est produit le lait. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas parce que la vache ne mourait pas. Il n'y avait pas de souffrance. Oui, il y a de la souffrance dans l'élevage de cette vache, dans le fait qu'elle est inséminée, qu'on lui retire son veau qui va à l'abattoir, dans les conditions d'élevage aussi de cette vache, l'arrachement constant de son enfant, en fait. C'est un enfant. Ça, c'est insupportable. Donc, là, quand j'ai vu comment était produit le lait, j'ai arrêté tout de suite. Tous les produits laitiers, fromage, lait, yaourt. Et je les ai remplacés très facilement. Donc, vous voyez. Mais il me faudra me donner des astuces. Comment? Il me faudrait me donner des astuces, là. Ah ben, le lait, je l'ai remplacé par des laits végétaux, enrichis en calcium, pas de problème. Mes prises de sang sont impeccables. J'ai pas de carence du tout. Les fromages, j'ai appris à faire mon propre fromage, ça s'appelle comme ça. Il y a aussi maintenant des épiceries véganes qui proposent de très bons fromages. Et les yaourts, j'ai remplacé par des yaourts de soja ou des yaourts à base de noix de coco ou chanvre. D'ailleurs, ça existe aussi. Et c'est très bon. Voilà, donc pour moi, bon, j'adorais le fromage, hein, je dois le confier, ça ne me manque pas du tout. Surtout depuis aussi que je sais que Pour obtenir la coagulation du lait, on utilise Le quatrième estomac voilà, de... du cochon. Donc ça, c'est bon, ça aussi, ça, bon, alors là, on devait me rajouter une raison de plus pour ne plus manger de produits laitiers, c'était celle-là, voilà. Ça fait trop. C'est pas possible. Et qu'est-ce que vous pensez du mythe sur le fait que le végétalien, il soit toujours en carence? Et en carence de quoi? En carence de micronutriments, par exemple, ou de vitamines. Alors, il faut savoir que tout végétalien doit se complémenter en vitamine B12, soit de manière hebdomadaire en prenant une dose élevée de vitamine B12, soit en prenant une dose quotidienne. Il y a beaucoup de suppléments qui sont en vente dans les pharmacies ou dans les magasins d'alimentation biologique. Donc ça, c'est pas dur à trouver, hein, de la vitamine B12. Parce que, pourquoi? Parce que la vitamine B12, elle est principalement contenue dans la viande rouge et certains poissons. Donc en arrêtant de manger de la viande rouge et ses poissons, donc principalement les poissons gras, on se prive de l'apport en B12. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons en contiennent très peu, principalement c'est la viande rouge. Et la vitamine B12 qui est dans la viande rouge, c'est une vitamine qui a été de toute façon donnée en forme de supplément alimentaire aux animaux eux-mêmes, car ils ne trouvent plus de la vitamine B12 dans leur alimentation. Donc, en mangeant de la viande rouge, on mange une gélule de B12. D'accord, ça, je savais pas Voilà. du tout. Donc, vous voyez, c'est. Bon, c'est vrai, du coup, ça fait prendre une gélule, alors que quand on mange la viande rouge, on a l'impression qu'on mange un aliment qui contient tout ce dont on a besoin, mais il n'en contient pas forcément naturellement de tout ce dont on a besoin. Là, en l'occurrence, c'est un rajout dans l'alimentation des animaux, parce qu'ils ne la trouvent plus dans leur alimentation naturelle, qui est complètement déformée, hein, voilà. C'est logique, ils ne la trouvent plus. Donc, c'est la même B12 qu'on prend en gélules, et ça nous permet de ne plus manger de souffrance d'animaux. Donc c'est fabuleux. Alors d'autres carences, il peut y avoir une carence en calcium si on arrête les produits laitiers, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut compenser en prenant des laits végétaux dans lesquels on a du calcium qui a été rajouté. Et les carences en fer. Alors, le fer, on le trouve très facilement dans les légumineuses et dans les légumes, principalement les légumes verts. Si on mange des légumineuses tous les jours, on ne doit pas être en carence de fer. Surtout si on aligne les légumineuses avec une céréale. Et c'est de toute façon ce qui se passe dans le monde asiatique où il y a des millions de végétaux. De végétariens, principalement, surtout des végétariens, hein, puisque en Inde, même les hindous mangent du fromage, mais ils sont pas en carence. Ils sont pas en carence de fer. Bon, il n'y a pas de fer dans le fromage, hein, donc ça peut pas être le fromage. Ils mangent pas de viande depuis leur naissance, depuis des générations et des générations. Donc c'est ni viande ni poisson depuis des centaines d'années, depuis que l'hindouisme existe, des milliers d'années. Donc, si vous voulez, comme on n'observe pas de carence, ça prouve que on peut trouver le fer ailleurs. Donc, je pense que les végétaliens dont vous parlez sont des végétaliens qui n'ont pas une alimentation équilibrée en tant que végétaliens. D'accord, Parce mais qu'il faut c'est. savoir, se substanter quand même en tant que végétalien. On ne peut Mais pas. c'était surtout pour parler du mythe. Ben oui, c'est un. Mais c'est le mythe qui est entretenu par le lobby de la viande, par les médecins aussi. Beaucoup de médecins sont persuadés que les végétariens et végétaliens sont anémiés, par exemple. Mais ceux qui sont anémiés sont ceux qui mangent mal. Il y a des gens qui sont anémiés et qui mangent de la viande. Oui, Parce qu'ils ça mangent mal existe. aussi. Ça existe. Donc Ou que le ça corps, il n'arrive permet. pas à synthétiser le fer. C'est Oui, possible bien aussi. sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut de la vitamine B12 aussi pour synthétiser le fer. D'accord. Parce qu'il y a toujours des vitamines conjuguées, ça marche toujours par binôme, les vitamines. Il y en a une qui sert à fixer l'autre. Donc c'est tout un équilibre, l'alimentation, bien sûr. Après, ceux qui ont besoin vraiment d'un conseil au niveau nutritionnel peuvent aller sur le site de l'association L214, où il y a vraiment de très, très, très bonnes idées de menus équilibrés avec tous les alternatives qui existent pour remplacer les protéines d'origine animale. Ok. Et bah, je crois qu'on a fait le tour. Alors, le dernier message, c'est la question 12. Moi, je ne vais pas y louper. Ah oui, le dernier message. Eh bien, c'est voter pour les animaux. Voter pour eux, parce que si nous ne les protégeons pas, ils continueront à souffrir. Aucun des partis traditionnels n'assurera leur protection. Seul le parti animaliste sur la scène politique française propose un vrai programme pour les animaux. Ne les oubliez pas.